Cette année, les pins Télévie sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est bien. Mais le plus important, c'est que si vous achetez un pins, vous donnez 200 francs pour la recherche contre la leucémie. Et si vous voulez nous aider à vendre ces pins, vous pouvez vous adresser à votre administration communale. Ensemble, la leucémie, on doit la vaincre.